il faut être honnête. Quand ça devient sérieux, vous laissez la place à ceux qui sont allés apprendre à lire le bois au bois, c'est-à-dire les professeurs d'université, les champions économiques, les champions politiques. C'est ce laboratoire-là que nous sommes en train de vouloir installer à N'Djamena. C'est-à-dire dire à l'ensemble de l'Afrique, nous les enfants, les aboyeurs, on avait commencé. Maintenant les choses deviennent sérieuses. On donne les interlocuteurs qu'il faut aux Occidentaux pour que le monde vers lequel nous voulons, celui de rendez-vous et de recevoir, qu'il n'y ait pas quelqu'un qui tire les autres vers le bas. C'est dans ce sens que vous allez donc comprendre ce communiqué que je vais faire tout à l'heure. Je ne voulais pas lire ce communiqué, mais j'ai constaté un engouement assez fort de la part du monde entier, que ce soit nos contradicteurs qui ont commencé à dire « on vous a dit qu'il ne peut pas faire cette histoire-là », et d'autres qui sont de notre camp, qui sont certainement atteints d'arthrose physique ou intellectuelle. Nous savions très bien, en faisant cette marche, qu'il y en a qui vont douter. J'ai entendu des gens dire que on vous a dit que dès que le président Idriss Déby va faire un tour en Belgique, dès qu'il va avoir un coup de fil de Macron, il va demander aux panafricains de ne pas venir faire le sommet chez lui. C'est pour cela que j'ai décidé donc de reprendre mon bâton de pèlerin pour parler avec mes frères et leur dire que les choses sont tellement avancées aujourd'hui qu'il ne peut plus y avoir un frère d'Afrique qui ne soit pas en adéquation avec nous. Donc, je ne parle pas au nom des panafricanistes parce que nous sommes organisés. On a mis en place, on veut donner de main en main un prix à quelqu'un que vous avez plébiscité. Mais nous avons estimé qu'au-delà du prix, comme cela se fait partout, c'est-à-dire les gens se retrouvent, on te remet un parchemin, tu pars. Nous avons voulu faire la transition, remettre derrière tous les chefs d'État d'Afrique, derrière la diaspora, le think tank dont tu as besoin, qu'on a dit ici, qu'il faut que les Tchakounte, les trucs là, ça soit en think tank. Chaque fois qu'il y a une situation, on ne viendra plus aboyer ici, on va les appeler, ils donnent la matrice de réponse qu'il faut. Ayant donc constaté que cela était un grand événement, nous on le prenait vraiment au premier niveau. C'est pour cela que nous avons donc mis en place la grande chancellerie des ordres du mérite panafricain. Ça n'est plus comme ça se passe avant, c'est organisé. Donc je parle ici uniquement en lieu et place de la grande chancellerie du mérite panafricain. Je ne parle pas au nom du prix que vous avez décerné au président de la République du Tchad, comme vous l'avez fait l'année dernière, au président de la République de Guinée équatoriale. Je parle pour ce qui est à notre niveau, notre think tank que nous sommes en train de constituer. Et vous me permettrez, une fois n'est pas coutume, de m'incliner devant ce bord pour lire in extenso pour que ceux qui me commandent ne disent pas que j'ai ajouté une virgule. Donc, la grande chancellerie des ordres panafricains en charge de l'organisation du sommet des leaders panafricains 2018 informe l'opinion continentale de sa satisfaction quant à la bonne évolution du processus d'organisation de ce sommet. Toutefois, fort d'une demande exponentielle des officiels, des scientifiques, de la société civile et de la diaspora panafricaine du monde entier, souhaitant prendre activement part aux travaux, une restructuration de l'organisation de cet événement s'est imposée à la grande chancellerie comme un impératif au bon déroulement futur de ce rendez-vous majeur pour la refondation du panafricanisme. Pour garantir une tenue mémorable de ces assises, la grande chancellerie des ordres panafricains annonce de façon officielle le report sine die du sommet des leaders panafricains initialement prévu du 10 au 15 mars 2018 à N'Djamena, capitale de la République du Tchad. L'événement se tiendra à une date ultérieure qui sera communiquée dans un proche délai. La chancellerie informe cependant les personnes, personnalités, institutions et organisations souhaitant prendre part aux activités que les souscriptions, les contributions scientifiques et autres renseignements, demandes de renseignements, se feront désormais en ligne à l'adresse www.sommetdesleaderspanafricains.org. Je reprends www.sommetdesleaderspanafricains.org. La grande chancellerie sait pouvoir compter sur votre bonne compréhension et surtout sur l'indulgence habituelle dont les panafricains savent bien gratifier à l'endroit de leurs confrères afin de permettre à la chancellerie de continuer à travailler à l'accomplissement de sa mission. Je termine en ajoutant, parce que ça c'était le communiqué, depuis que nous avons décidé d'aller faire le sommet des leaders panafricains, je l'avais confessé ici, moi je suis toujours honnête, que nous avons été surpris par l'engouement et l'intérêt que des gens ont décidé de participer au sommet des leaders panafricains. Vous savez qu'au départ, nous on avait bien circonscrit et les personnes qui sont membres du panel d'Afrique Média, et les scientifiques, et les champions économiques, et les acteurs politiques. Mais dès qu'on a ouvert des institutions insoupçonnées, des systèmes des Nations Unies, de l'Union africaine, de la CEMAC, de la CEAC, se sont rendus à l'évidence que si elles ne profitent pas de ce rendez-vous, je crois que le message qui n'arrive pas à traduire aujourd'hui, depuis 25 ans, n'arrive pas à passer. Des garçons, des Africains de la diaspora africaine d'abord, et la diaspora historique afro-américaine ont commencé à changer la matrice scientifique même du débat que nous voulions faire à N'Djamena. Dans ce sens, vous conviendrez avec moi que quelqu'un qui s'attendait à recevoir une famille de quatre personnes dans son village n'a pas ne prend pas les mêmes dispositions que celui qui apprend que les quatre cantons qui constituent eux-mêmes 50 à 70 personnes ont décidé de venir assister à la réunion qui aura lieu dans votre village. Je crois que vous prenez beaucoup de temps pour débroussailler un peu, pour laver quelques petites choses, pour apprendre aux gens à avoir une attitude qui puisse se mettre en adéquation avec ce que nous voulons faire. Mais il y a plus grave, c'est que à moins 2 ou 3 semaines de la tenue effective de cette grande réunion, la moitié des champions économiques nous ont dit que ça ne coïncide plus avec leur rendez-vous à l'international. Ils ont des rendez-vous de World Forum, c'est M. Tchakoute qui va bien vous expliquer ça, World Forum économique, je ne sais pas comment ils se réunissent là-bas et tout cela. Donc il paraît que le mois qui va commencer là est un mois très propice pour les joint ventures partout et tout et tout. Les professeurs d'université, c'est-à-dire les collègues de Tchakoute et Basilekine, nous ont dit que il y a, si c'est pour venir seulement faire certains, nous ont dit ils font seulement une semaine, ils repartent, il y a les concours, ce n'est pas tellement de choses, que cela est venu s'ajouter au fait que l'hôte principal du jour, vous avez dû le constater, c'est au four et au moulin, à l'international, pour essayer d'étayer un certain nombre d'incompréhensions. Et vous savez très bien que le principal travail qui lui permet aujourd'hui de parler d'égal à égal avec sérénité avec ses frères et sœurs, c'est parce que nous, ici, à Afrique Média, on avait déjà commencé à baliser. Ceci pour conclure en vous disant que M. Idriss Déby Itno et le peuple tchadien ne peuvent pas oublier, ne serait-ce que pour la dernière actualité en date, que lorsque nous étions aux Nations Unies, à l'Assemblée générale, ça s'est vu en Mondo Vision, où nous avons interpellé le porte-parole de la Maison Blanche. Moi, je ne suis pas modeste. En Mondo Vision, on lui a dit, l'affaire que vous avez fait là, il s'agit de quoi? Et vous avez vu un jeune homme très bien instruit, mais surtout sage. En Mondo Vision, il a dit, monsieur d'Afrique Média, n'insistez pas sur ce problème, on va le régler. Si quelques mois après, ça a été réglé, est-ce que vous croyez vraiment que Idriss Déby Itno peut refuser d'accepter de recevoir dans son village, dans son pays, des gens qui lui ont apporter cette manne qui tombe du ciel? Je crois que deux choses méritent d'être dites ici et je termine par là. La première, c'est que nous sommes obligés de renvoyer le sommet compte tenu d'un certain nombre de contingences que j'ai rappelées ici tout à l'heure. Et la deuxième chose, c'est que qu'il pleuve ou qu'il neige, le président Idriss Déby Itno nous a dit qu'il recevra les enfants d'Afrique en terre de Toumaï. Il faut simplement que son calendrier puisse s'arrimer au calendrier des autres. Si c'était seulement pour lui remettre son prix, il n'y aurait aucun problème. Un avion serait affrété, comme on avait fait en Guinée équatoriale en son temps, ramasser les enfants d'Afrique, faire 2 heures de temps, prendre les photos et repartir. Mais on a dit qu'on va faire la palabre africaine et sortir quelque chose de sérieux. Et vous connaissez, quand un chef d'État, quand un papa est déjà d'accord avec ce que vous faites dehors, de temps en temps, il vient jeter un coup d'œil On a dit qu'il va remettre les médailles. Donc, une semaine, il dit, il a peur que si vous venez, peut-être le jour où vous arrivez, que vous partez. La preuve, je sors d'un pays qui est voisin, qui vous adore beaucoup, le Gabon. Nous y sommes allés là-bas pour faire le sommet de la COPAC, question de sécurité, CEAC. Vous savez que tout était déjà mis en place, mais justement, les rendez-vous de dernière minute des chefs d'État membres de cette institution n'ont pas pu faire en sorte que le sommet ait lieu. Donc ceux qui disent que non, c'est parce que Macron a appelé, ça veut dire qu'ils sont modestes. Moi, je ne suis plus modeste. Je ne serai plus jamais modeste. Je suis entré dans l'histoire. Je suis quelqu'un qui sait ce que j'ai fait pour l'Afrique. Et je pense que plus jamais les choses ne se passeront comme les gens pensent dans leur tête. Il faut seulement continuer à travailler dans le sens que des 27 chefs d'État qui nous appellent par nos prénoms aujourd'hui, qu'on en ajoute, je crois, les 30 qui restent ou les 28 autres qui restent, qui nous suivent, mais qui veulent être sûrs qu'on va aller jusqu'au bout. Donc, aucune inquiétude et des instructions seront données pour que ce qui passe sur votre petit écran-là, que cela reste de façon définie, parce que ça peut se faire dans 3 semaines, dans 1 mois ou dans 2 mois. Mais ce qui est évident, c'est que le sommet des leaders panafricains aura lieu et ce sera au cours de cette année, dans un avenir très proche. Merci à vous, ambassadeur François Bikoro, ambassadeur de la cause panafricaine. Tout naturellement, Jean-Arthur Aoumou, vous allez patienter quelques instants. C'était votre tour de prendre la parole pour que nous puissions respecter un certain nombre de grands préalables. Président Bandakani, tout naturellement, quand vous apprenez cette grande nouvelle qui nous vient de N'Djamena, quelle est votre réaction? Ça vient à partir de la sérénité. Là où il y avait des angoisses et même certains dérapages au niveau de la consistance et de la solidité de la dynamique que nous entretenons depuis des années. Nous n'avons jamais douté de la sincérité de l'engagement du Tchad. Nous n'avons jamais douté de la pertinence de ce sommet en termes d'agenda, en termes de haut lieu d'élaboration thématique, en termes de points stratégiques. Là, j'ai même douté de ça. Mais bon sang, quel problème y a-t-il, quel mal y a-t-il à ce qu'un sommet qui, initialement, n'avait pas l'envergure qu'il a prise du fait que les Africains et le monde entier ont dit c'est un tournant majeur pour notre continent. Et dès que le monde entier, les Africains, constatent que c'est un tournant majeur pour le continent, les institutions internationales vont s'y mêler. C'est élémentaire. Et vous vous rendez compte que c'est très facile de réunir 200 personnes dans un hôtel. Mais si vous vous retrouvez avec un engouement où vous avez même des populations, des gens qui ne sont pas des institutionnels, des gens du quartier qui disent que nous allons marcher à pied pour arriver à N'Djamena. Moi, en termes d'appel seulement à mon niveau personnel, au moins 500 appels. Des gens qui me disent que, président, nous, on ne demande rien. Nous, on va venir à N'Djamena. Arrange-toi seulement à ce qu'on nous accueille, qu'on entre là-bas. J'ai dit au moins 500 téléphones d'appels. Vous dites que vous le trouvez au Tchad avec pratiquement 1000, 1500, 2000, 2500, 10 000 personnes. Quoi de plus logique qu'un report? Quoi de plus logique et élémentaire qu'un report? Mais ce qui est plus grave, c'est pas ça, c'est pas le report qui est grave. Mais c'est un type d'interprétation qu'on a entendu, y compris de la part de certains qui te font appeler panafricanistes. C'est ça qui est inacceptable. Des gens ont voulu créer une guerre entre le Tchad et l'Afrique médiane. Les gens ont oublié ce que c'est que le Tchad et son président. Les gens ont oublié ce que c'est que l'Afrique médiane. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Donc il est important que je suis très heureux de ce communiqué solennel porté par M. l'ambassadeur qui parle au nom de cette grande chancellerie, mais qui en réalité parle au nom du panafricanisme, c'est de cela qu'il s'agit. Nous sommes très heureux de ce communiqué qui vient dès le débat, le faux débat qu'on a voulu créer autour. Le sommet aura lieu. On se donne le moyen de l'organiser sérieusement. Il faut que les moyens, l'organisation, soient à la hauteur de l'engouement mondial désormais qui est autour du sommet. Quoi de plus logique? Les relations entre le Tchad et l'Afrique médiane sont au beau fixe. Au beau fixe. Ce n'est pas d'Afrique médiane où on va. Que vont partir des attaques contre le président de vie. Je voulais rappeler ici que lorsqu'on a été fermé, qui nous a accueillis? On peut oublier ça ici? Non, au-delà de cet accueil, on peut oublier qui est le président Déby, ce qu'il a fait pour la sous-région? Est-ce qu'on peut oublier ça? Non. Mais bon sang, il faut que les gens comprennent que le panafricanisme, comme l'ambassadeur aime le dire, ce n'est pas un tour dans un salon de coiffure. Nous sommes en guerre. Il est normal qu'il y ait des imprévus. Il est normal qu'il y ait des obstacles. C'est très normal. D'ailleurs, s'il n'y a pas d'obstacles, rentrons chez nous. De quoi est-ce qu'on parle? Rentrons chez nous. Le panafricanisme, c'est aussi la capacité à surmonter les obstacles. C'est aussi ça. La capacité à leur surmonter. Vous faites un grand... Vous lancez une initiative comme celle-là. Et dans son aspect concrétisation, elle débouche sur une euphorie planétaire. Mais donnez-vous les moyens de mieux organiser. Maintenant, vous vous suivez. Maintenant, on peut en parler. Vous dites que le monsieur Tillerson, il vient au Tchad quand? Vous voyez pas qu'il y a une présidence période, oui. Bon, est-ce qu'il fallait que le président tchadien prenne une plaquette, il me le fait, dit que, mais écoutez mes enfants, je reçois Tillerson ici vraiment, aidez-moi à reporter le sommet. Mais nous ne sommes pas des enfants, on est mûrs. Est-ce qu'il n'est pas compréhensible pour nous que le Tchad, dans les conditions actuelles, mais il y a des grèves au Tchad tous les jours. Les fonctionnaires sont en grève. C'est parce que ce peuple est devenu panafricaniste qu'ils ont compris que les difficultés économiques du pays ne doivent pas déboucher sur la déstabilisation de leur pays. Et ils supportent de façon héroïque, je salue d'abord ce grand peuple tchadien, de façon héroïque leurs difficultés. Est-ce qu'on ne peut pas comprendre qu'on priorise d'abord cet événement stratégique pour le pays, à savoir créer les conditions pour récupérer l'argent du pays, et que l'argent là soit affecté à régler, n'est-ce pas, les urgences sociales dans le pays? Est-ce que nous, les panafricanistes, on n'est pas en mesure d'intégrer ça et de comprendre qu'il faut continuer à soutenir l'idée du projet, il faut continuer à porter ce projet parce que le meilleur est à venir concernant ce projet? Donc moi, je me réjouis de ce que, n'est-ce pas, la date soit maintenue, qu'il y ait cette sérénité, n'est-ce pas, au niveau de ce communiqué, qui rassure tout le monde, qui apporte la paix partout et qui clôt les faux débats sur ce sommet. Donc voilà ce que moi, je peux dire par rapport à ça.